Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien une pastille de cinéphiles de notre temps, un format plus court pour prolonger avec un bonus nos épisodes. Habituellement, nous publions nos pastilles sur la plateforme Patreon pour remercier nos abonnés de soutenir financièrement notre travail. Toutefois, pour cette pastille, nous avons eu envie de partager avec tout le monde un extrait non diffusé de notre dernier épisode réalisé avec le cinéaste et producteur Vincent Leport, car celui-ci évoquait une trilogie de films aussi rare que magnifique. Il s'agit de La tiercée des paumés, trois films documentaires réalisés par Jean-Baptiste Alazar et produits par Stank, la société de production de notre invité. Si nous avons décidé de rendre publique cette pastille, c'est parce que nous avons vu nous aussi ces trois films et qu'ils nous paraissent sublimes et importants, autant politiquement qu'esthétiquement, et dans un paysage cinématographique parfois un peu conventionnel, il nous tenait à cœur de vous les partager. Si vous souhaitez en écouter plus sur Vincent Leport, on ne peut que vous conseiller d'aller tendre l'oreille sur notre épisode 27 consacré à sa cinéphilie. Et maintenant, nous laissons la parole à notre invité qui en parlera bien mieux que nous. Bonne écoute! Tu parles de filmer, de vouloir en tout cas filmer un collectif qui essaye de trouver une autre manière de vivre plus joyeuse. Mmh. Et on t'a demandé s'il y avait un film, parce que tu es donc aussi producteur, tu as monté ta société de production Stank il y a 10 ans. Et vous avez produit beaucoup de films, mmh, de tout genre, de tout format, de toute durée. Et tu nous as parlé de la trilogie La tiercée des paumés de Jean-Baptiste Alazar, que tu as produit, qui s'étale entre 2013 et 2021, parce qu'il y a un quatrième film qui est venu se rajouter, ouais, pour conclure, et qui est aussi, enfin, je trouve, une manière de filmer, une tentative de vivre autrement, mmh, selon différentes étapes de vie. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter comment ça s'est passé, cette production ? Moi, ça, j'aime bien quand je produis des films, produire des films que moi, je serais incapable de faire. Parce que quelque part, du coup, ça me dédouane de ne pas les avoir faits. Je suis plutôt quand même, moi, à filmer la fin des choses, une sorte de, ouais, d'extinction, d'effondrement, des choses assez sombres. Et je suis content quand je produis un film comme ceux de Jean-Baptiste, ou même tout film que j'ai fait en tant que producteur, de me dire, c'est aussi un petit peu, il y a un peu de moi dedans. Et les films de Jean-Baptiste, en fait, c'est un camarade de la Fémérie, de la Fémis, qui est aussi de temps en temps monteur. C'est lui qui a monté Bruno Rédal. Et lui, après l'école, très vite, enfin, dès l'école, il voulait quitter la ville. Il vient de l'Aveyron et il voulait quitter la ville et retourner à une vie qui lui plaisait plus, tout simplement. Et à une vie plus collective. Donc longtemps, il a vécu dans un lieu collectif dans les Pyrénées. Et contrairement à beaucoup de gens, même des documentaristes, il choisit pas un sujet, des gens, il va les filmer. En gros, il filme sa vie. Il passe du temps avec des gens et son idée, c'est qu'il filme très très souvent, presque quotidiennement. Et ses films sont pas des journaux intimes vraiment, vu qu'il retourne pas la caméra sur lui, mais c'est en filmant d'autres, en faisant le portrait d'autres personnes, dresser un portrait de un peu de lui-même en creux et de là où il en est et de là où en sont aussi là où se situe une autre modernité, quoi. La modernité, c'est pas que les iPhones, les éoliennes et Instagram, et rejeter ça, c'est pas être réactionnaire ou passéiste, c'est juste on a le droit d'avoir une autre vision de la modernité, et aussi moins destructrice, quoi. Enfin, là, on en est tous à un point où on sait très bien que c'est la course à l'abîme, quoi. Et du coup, il fait des films, mais pas forcément directement, ça dépend des films, mais pas avec un discours politique forcément très, très asséné ou militant. Son premier film, La Buissonnière, c'est une sorte de road movie où il suit deux, c'est un film assez punk, où il suit deux mecs qui font de la récolte illégale de pavots dans des champs pour faire de l'opium, qui vont ensuite revendre dans des free parties où ils prennent tous les produits du monde. Et ils sillonnent la France comme ça entre récolte d'opium, enfin fabrication d'opium, free party. Ils se démontent la tête sans arrêt. Et c'est en même temps extrêmement joyeux et euphorique, en tout cas. Peut-être pas joyeux, c'est un film qui, dès qu'il y a une montée, bah, il y a la redescente après. Mais c'est un film voilà, euphorique et un film un peu beatnik aussi. Donc ça, c'était la phase un peu beatnik de sa trilogie. C'est, bon, on a 25 ans, et ben on va cramer la vie par les deux bouts, on va faire un peu n'importe quoi. Et du coup, même formellement, c'est un film complètement d'une virtuosité assez dingue et d'une liberté folle. Je crois qu'il n'y a pas un plan où il y a la bulle, comme on dit. Tous les plans sont décadrés, ou flous, ou avec des surimpes, ou avec des accélérés. Qui est magnifique, enfin, c'est extrêmement film, beau. C'est un film incroyable, ouais. Je l'ai revu il y a peu longtemps, il y a une asso à Rennes qui s'appelle Comptoir du Doc qui a montré la trilogie intégrale. Et moi, je n'avais pas revu ce film depuis 6-7 ans. Et j'ai halluciné, j'étais là genre, waouh, et c'est extrêmement drôle en plus, il y a plein de moments, des moments beaucoup plus, pas mélancoliques, mais durs, mais il y a des moments très drôles. Et donc ça, il a fait ça, et ensuite, en fait, un film, on amène l'autre, et ensuite, il va filmer, il rencontre par des amis communs, Djorka Medvedchki, qui est un ancien cinéaste des années 60-70, qui avait émigré de Hongrie après la guerre, et qui avait fait 3-4 films dans les années 60-70, qui était un peu réputé. Bah, il tournait avec des stars, Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léo. Et il était un peu à l'avant-garde de fin années 60, début 70. Et c'est un homme qui, du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais presque, a tourné le dos à tout ça, à Paris, au cinéma, au milieu culturel, et qui est parti vivre un peu en ermite dans les Cévennes, qui a construit sa cabane. Et qui même s'est dit l'art ne sert à rien. Et même l'art est un mensonge, l'art est dangereux, l'art est faux, quoi. Et c'est du coup, Jean-Baptiste fait un film sur lui, quoi. C'est dur de faire un film sur quelqu'un qui dit la caméra elle déforme le réel. Apprenez à voir avec vos yeux plutôt qu'à enregistrer les choses. Et alors après, c'est pas parole d'évangile. En fait, c'est une figure, Djorka, que Jean-Baptiste filme ensuite pendant 2-3 ans, qui sert un peu de grand prophète comme ça en haut de sa montagne. Entre Jésus, Diogène, et puis un peu bah, Jean-Marie Massou du plein pays aussi, et qui des fois dit des choses extrêmement belles, extrêmement vraies, extrêmement fortes, et des fois, moi par exemple, je ne suis pas toujours en accord du tout avec ce qu'il dit, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, son enseignement est plutôt dans comment il vit, quoi. Et c'est un homme de 85 ans qui a son potager, ses cabanes, et qui vit très très chichement. Enfin, à la fin du film, c'est très beau. Il reçoit un courrier, il dit ah, j'ai 1,79€ sur mon compte. Eh ben, rien à foutre. J'aime beaucoup, c'est un beau personnage, quoi. C'est une belle personne, je veux dire. Et il le filme, et là, c'est un film beaucoup plus. Pas impressionniste, mais c'est un film en 10 chapitres, beaucoup plus éclaté, où là, la charge politique est un peu plus affirmée. Il va filmer à Notre-Dame-des-Landes, il filme des lieux collectifs dans le sud-ouest de la France. Et en gros, il y a un côté portrait de Djorka et comment cette parole peut trouver un écho avec des luttes ou des fêtes même actuelles. Et c'est un moment avec des moments de grâce, pareil. Il a un côté très virtuose, Jean-Baptiste, quoi, des fois, jusqu'à des fois un certain romantisme, moi, que des fois je lui reproche, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est un film qui fait au quotidien, quoi, avec très peu d'argent, beaucoup de temps. Et qui se fait avec des tournages très longs, beaucoup d'allers-retours. C'est pas, il va quelque part, il filme, il repart, quoi. Il vit avec les gens qui filment. Et il conclut sa trilogie, La Tierce des Paumées, avec L'Âge d'Or, où là, au fil des saisons, il filme un couple de vignerons qui font du vin et qui font de la musique dans une ancienne bergerie sans eau courante ni électricité. Et là, c'est un peu un film d'amour, quoi. C'est un film extrêmement épuré. Dans les autres films, il y a plus d'événements, plus d'actions, on change plus de décors. Là, bah, c'est une sorte de huis clos à ciel ouvert, quoi, dans les corbières. Et on suit au fil de 4-5 saisons, à vrai dire, la vie quotidienne, paysanne de ce couple. Et c'est un film plus romantique au sens de, c'est un film de romance, d'amour. Et c'est un film très beau aussi qui fait qui pour moi ramène à une sorte d'essence du cinéma aussi, quelque chose de très primitif, quoi. C'est très peu de dialogue, très peu de situations, juste on va capter les choses, le monde. Et c'est moi j'aime bien l'accompagner parce que déjà en tant que producteur, il est très autonome, quoi. Il filme, il fait le son tout seul, enfin il a pas d'équipe. Il filme comme on fait un journal intime. Ses références, c'est Chris Marker, Jonas Mekas et d'autres, mais et du coup, bah c'est pas une ingénierie très lourde à mettre en place. Donc moi mon accompagnement, du coup, ça m'intéresse, c'est ça qui m'intéresse le plus dans la production, c'est quand même aider à trouver quelques sous pour qu'ils puissent faire le film au mieux, mais surtout accompagner artistiquement. Donc, quand il écrit ses projets, il a besoin d'écrire quand même pour mettre à plat ce qu'il a en tête, l'aider là-dedans, de l'aider surtout beaucoup au montage, quoi. Et voilà, et puis c'est quelqu'un à qui on a beaucoup de goûts communs, et par exemple, même quand il monte Bruno Rédal, en deux secondes, on se comprend, enfin... On n'a pas besoin de polémiquer des heures et des heures sur à quel endroit faut couper le plan, pourquoi on choisit telle prise ou telle autre. On est une sorte de d'âme sœur de cinéma, alors qu'on fait des cinémas très différents, mais on se comprend. Et ça, c'est en tant que producteur, c'est extrêmement agréable, quoi. Et surtout que, alors moi, je trouve très beau de faire du cinéma comme ça, où je sais pas, planter ses tomates, aller filmer et aller faire la fête au village font partie d'un même mouvement. On ne sépare pas le cinéma du reste. Ce que moi, je fais. Pour moi, il y a ma vie et le cinéma. Lui, c'est mélangé. Je trouve ça même politiquement très beau. Enfin, quelque part, à terme, c'est ça qu'il faudrait peut-être faire, quoi, que l'art fasse partie de la vie et que ce ne soit pas juste des moments séparés de la vie ou concentrés dans des lieux culturels. Après, bon, c'est plus complexe que ça. Mais... C'est toujours plus complexe. C'est toujours tout est plus complexe.